Cours numéro 42. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam Abu Hatim ibn Hibban rahimahullahu ta'ala ذكر الحث على إقامة المروءات. Donc في هذا الباب, et c'est le 41e chapitre, ذكر رحمه الله الحث على إقامة المروءات. والمروءات c'est le pluriel de مروءة. والإمام المجد ابن تيمية رحمه الله dans المحرر قال المروءة استعمال ما يجمل أو ما يجمله ويزينه, نعم استعمال ما يجمله ويزينه والترك وتجنب ما يدنسه ويشينه. Donc c'est ça le mouroua. Le mouroua, c'est le fait de préserver ma yujammil wa yuzayyin al-insan. Est-ce qui embellit l'insan min al-akhlaq al-tayyiba, les bons comportements, et des choses à faire pour que l'honneur du musulman elle soit préservée. قال والترك وتجنب ما يدنس, et éviter les choses qui vont salir la réputation de ce musulman. Ibn Hibban رحمه الله il a cité ce bab fil hath ala iqamati al-muru'at, ay préserver l'honneur. Le musulman, il doit préserver son honneur, sa réputation, son image. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في الشرح الممتع والضابط في المروءه ان لا يفعل ما ينتقده الناس فيه لا من قول ولا من فعل. C'est ça المروءه, الضابط, c'est de ne pas faire une chose que les gens ils pourront te reprocher, من قول وفعل. هذا c'est مهم, c'est مهم de s'écarter des doutes, de s'écarter de ce qui peut faire du mal aux musulmans. Amma, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la vérité, même si ça dérange certains, bien sûr qu'on doit satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, on parle de a'mal, wa sayati al-bayan, des a'mal que un musulman, il peut éviter le fait de les faire, ça peut ternir son image, ça peut salir sa réputation, ça peut toucher à son honneur. Et hada, c'est le thème de notre chapitre aujourd'hui. Wa billahi tawfiq. Qala Ibn Hibban rahimahullah, haddathana Ishaq ibn Ibrahim ibn Ismail al-Qadhi وعبد الله بن محمود وعبد الله بن محمود ابن سليمان السعدي قال حدثنا عبد الوارث ابن عبيد الله العتكي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. هذا الحديث إلى ضعيف. قال أبو حاتم رحمه الله صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بأن المروءة هي العقل. Donc المروءة comme on l'a défini من كلام المجد ابن تيمية رحمه الله, et on a lu الضابط de الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, et si on fait le lien avec tout ce qu'on a vu depuis le début de ce livre, comme a dit Ibn Hibban, rahimahullah, anna al-muru'a hiya al-aql. Tadhkurun, au début du livre, on a expliqué c'est quoi al-aql et des choses qui contredisent al-aql, qui peuvent faire du mal aux musulmans parmi les mauvais comportements. Huna, c'est la même chose. Qala rahimahullah, wa al-aql ismun ala al-ilm bis-suluk ou bis-suluk al-sawab wa ijtinab al-khata. C'est ça l'aql. L'aql, c'est une chose, ismun, ala al-ilm, qui te permet de suivre as-sawab et de t'écarter du khata. Ça ne veut pas dire qu'on se fonde sur mujarrad al-aql, pour connaître la vérité ou pour s'écarter du faux. Abadan. Pour connaître la vérité et s'écarter du faux, il faut se baser sur le Coran ou le Sunna. Lakin hada l'aql qui est dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à l'être humain hada l'aql. Ça lui permet de discerner et de pouvoir comprendre les choses. Wa illa dans notre din, on se base bien sûr sur les preuves du Coran et de la Sunna. Qala fal wajib ala l'aql an yelzam iqamat al muru'ah bima qadra alayh min al khisal al mahmouda wa tark. Al-Khilal al-Madhmoum. Donc, ce tarif, c'est le même que on a cité au départ. Donc, Al-Muru'a, c'est le fait de faire des choses, min al-Khisal al-Mahmouda, et délaisser les mauvais comportements. Donc, accomplir les bons comportements et délaisser les mauvais. Tout ça, bien sûr, Lillah Azza wa Jal. Qala wa qad nabagat nabiratun. اتكلوا على آبائهم واتكلوا على أجدادهم في الذكر والمرؤات وتعروا عن القيام بإقامتها بأنفسهم وصص من الجهل ومن الغرور. Le fait de penser que si l'insan vient d'une famille d'un haut rang, il a des origines nobles, c'est suffisant pour lui garantir la réussite ici-bas et dans l'au-delà, c'est complètement faux. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Chacun sera jugé sur ses propres actions. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Hakadha qala 'azza wa jalla. Celui qui fera un atome de bien, il le verra. Et celui qui fait un atome de mal, il le verra yawm al-qiyama. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Celui qui a des problèmes fil a'mal, qui n'a pas œuvré lillah 'azza wa jall. Donc le nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man batta'a bihi 'amaluhu. Donc il est ralenti à cause de ses propres œuvres, lam yusri' bihi nasabuhu. Yawm al-qiyama, ses origines ne seront d'aucune utilité. Donc, al-muhim pour le mu'min, c'est d'apprendre son din et de mettre en application. Wa illa, les œuvres des parents et venir d'une famille, d'une tribu, avoir des origines de haut rang, c'est tayyib si l'insan, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa, la shakana. Un insan y rendra des comptes sur ses propres œuvres. Faliada, rahimahullah, huna, Ibn Hibban, il a mis en garde contre Awad al-Nas, anna hadihil muru'a, et les nobles caractères, etc. Ils font pas d'efforts, là, qu'ils se basent sur ce que leur tribu, leur famille, leurs proches, leurs origines, ils ont fait. C'est pour ça que c'est très très important pour le mu'min. Annahu da'iman, il s'occupe de lui. Il fait des efforts de lui et il pense à sauver son propre nafs. Et bien sûr, s'il peut aider les autres, qu'il fasse des efforts. Amma, penser que le bien des autres, ça sera utile pour l'insan alors que lui-même il fait aucun effort. Ou que le mal des autres, ça va le nuire alors qu'il n'est pas responsable. Hada, c'est pas sahih. Allah subhanahu wa ta'ala karimun, il est juste, azza wa jal. Donc chacun de nous rendra des comptes sur ce qu'on fait. Et on rendra des comptes sur nos responsabilités. Qala rahimahullah, wa anshadani Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti, qala khasasatu akhlaqi rijali tashinuhum, khasasatu akhlaqi rijali tashinuhum, wa qalla ghana'an anhum an-nasabu al-mahdhu. Donc, ce qui fait du mal à l'insan, c'est ses propres œuvres, c'est son mauvais comportement. C'est ça qui salit l'insan. Bardelnas, ils font des choses graves, thumma, pour se défendre, ou pour rejeter les arguments clairs contre eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Là, nous, dans notre famille, on n'a pas l'habitude de faire ces choses-là. Il met en avant ses origines, son insan, qu'annahu, il est à l'abri, alors qu'il a fait cette chose. C'est pour ça que le poète قال خصاصه اخلاق الرجال تشينهم, les mauvais comportements ça salit l'image de la personne, Le fait de faire partie d'une famille noble de haut rang, etc. C'est l'insan, il ne fait pas d'effort. قال يصولون بالآباء في كل مشهد وقد غيبت آباءهم عنهم الأرض. دائما ils citent leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs tribus ou leurs origines. أنهم يبيان كما تقدم معنا مثلا d'une famille noble, etc. دائما ils prennent ça comme argument alors qu'eux-mêmes ils font pas d'effort. وقد غيبت آباءهم عنهم الأرض. Alors que leurs ancêtres, leurs parents, ils ne sont plus sur cette terre. Donc, في هذا الحال, c'est d'aucune utilité. Comme من الناس, leurs parents, ils étaient à la خير عظيم, et eux-mêmes, ils se sont égarés. Ou comme من الناس, ils sont à la خير عظيم, et leurs parents, c'était des égarés. On a des exemples dans certains prophètes, le père de Ibrahim, عليه الصلاة والسلام, c'était un kafir, il est mort à l'al-kufr. Le fils de Nuh, alayhi salatu salam, son père c'est un nabi, et lui il n'a pas suivi la voie de son père. Wahakada, combien d'exemples fi al-kitab wa sunnah. Qala, tawilun, tawilun tabaddihim bi majdi abihim, wa ma lahum fil majdi tawlun wala ardu. Ils prennent comme argument, comme référence, les biens de leurs parents, de leurs ancêtres. Il a fait telle chose, il a fait telle chose, et des choses véridiques. Alors que lui, dans ces choses, dans ses œuvres de bien, il n'a aucune part. Il prend comme argument ce que les autres, ils ont fait. On doit faire très très attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il te demandera des comptes sur ce que tu as fait. Pas sur ce que tes parents, ils ont fait, ou ton pays, ou ta tribu, là. Donc on doit faire des efforts. ولا نغتر ولا نغتر بما فعل الآخرون. قال أبو حاتم رحمه الله ما رأيت أحدا أخسر صفقة ولا أظهر حسرة ولا أخيب قصدا ولا أقل رجدا ولا أحمق شعارا ولا أدنس دثارا من المفتخر بالآباء الكرام وأخلاقهم الجسام مع تعري عن سلوك أمثالهم. نعم هذا سي كما وصفه أبو حاتم رحمة الله عليه. Ça c'est من الخسارة. Et que d'aller que ça soit une source de regret. Et que d'aller que ça fait pas partie de l'aql. Une personne sensée ne peut pas appuyer sur ce que les autres ils ont fait alors que lui-même il ne fait pas d'effort. مثلاً il cite en exemple ses parents, ses grands-parents, sa famille. أنهم c'était des gens nobles qui ne mentaient pas, qui ne volaient pas, etc. Et lui, il ment, il vole et il commet des injustices nuit et jour. Est-ce que hada, ça sera utile? Et est-ce que hada, ça fait partie de l'aql as-salim? C'est cela qui veut démontrer hada, l'imam huna. Qala, wa qasdi ashbahihim mutawahhiman annahum irtafa'u biman qablahum wa sadu biman taqaddamahum wa hayhat. أن يسود المرء على الحقيقة إلا بنفسه وأن ينبل في الدارين إلا بكده. كأن الإنسان va profiter de ce que les autres ils ont fait. هكذا بعضهم ils pensent. C'est pour ça qu'ils sont toujours attachés à ce que les autres ils font. Et ils ont d'énormes faiblesses, d'énormes manquements sur eux-mêmes. فلهذا قال ابن حبان هيهات. Hey, c'est pas comme ça. أن يسود المرء على الحقيقة إلا بنفسه. Si tu veux atteindre les hauts rangs, être aimé auprès d'Allah, fais des efforts. Crains Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné comme il a ordonné à tes parents, à tes ancêtres de le craindre. Si l'on craint, c'est un énorme bien pour eux. Crains-le, anta, si tu veux réussir. Et celui qui a réussi dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà, c'est celui qui a fait des efforts. بكده أي بجهده وباجتهاده. هذا كلام النفيس de cet imam رحمه الله. قال رحمه الله وأنشدني الأبرش فإن قلت لي آباء صدق ومنصب كريم وإخوان مضت وجدود صدقت ولكن أنت هدمت ما بنوا بكفك عمدا والبناء جديد. Et si tu prétends que tu as des parents qui ont fait telle chose, qui ont œuvré dans le bien, qui ont fait beaucoup d'efforts, etc. Enfin, tu dis vrai. Si c'est vrai, c'est vrai. قال ولكن انت هدمت ما بنوا لكن انت tu es en train de détruire ce qu'ils ont construit. Et hum, si ils sont morts à l'al-khayr, ça leur fait aucun mal, les erreurs de leurs enfants. لكن انت tu prétends que tu viens d'une belle famille, d'une famille noble, etc. Ce que tu fais, ça te salit et ça te fera du mal et tu détruis ce que tes parents ils avaient construit. قال رحمه الله اي ابو حاتم اختلف الناس في كيفية المروءة ما هي. Donc le début de ce chapitre رحمه الله, donc il a cité un hadith, il est ضعيف. Allahu a'lam, il n'y a pas un hadith clair sahih sur al-muru'a, les mérites, etc. Ouais, là on n'a pas trouvé. Enfin, si quelqu'un connaît, enfin, liufiduna hatta, on l'ajoute ici. Et en complément du hadith qu'il a cité, al-mu'allif limadha li'annahu il est ضعيف. Thumma rahimahullah, il a fait cette remarque au départ, anna hadhihi al-muru'a, et les bons comportements, les nobles caractères, le fait de s'accrocher à ce que les autres ils ont fait, la famille, la tribu, les ancêtres, etc. Voilà, il vit de l'insan. C'est d'aucune utilité pour Al-Mur si lui-même ne fait pas d'effort. ثم رحمه الله قال اختلف الناس في كيفية المروءة ما هي. ثم il a cité beaucoup de définitions, beaucoup d'imams qui ont défini c'est quoi Al-Muru. On a cité déjà la parole de Al-Majd رحمه الله et de Abu Hatim. Et on a il a cité plusieurs définitions et qui se complètent, qui se ressemblent. On peut en lire quelques-unes. Madalan qawluhu, la définition numéro 776. Wa min qa'ilin qala inna al-muru'ata at-tab'ud min al-khuluq ad-dani faqat. Certains ils ont dit que al-muru'a c'est de s'écarter des mauvaises choses. Al-khuluq ad-dani, des choses qui font du mal à l'insan, min al-akhlaq as-safila. Et ça, al-haqiqa, c'est une partie du ta'rif. Il a cité كذلك ومن قائل قال المروءة حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان وترك المر ما يعاب منه. بعضهم ils ont dit المروءة c'est حسن العشرة, avoir un bon comportement avec les autres, حفظ الفرج واللسان, préserver sa langue, préserver son forj, وترك المر ما يعاب منه, et كذلك délaisser les choses qui peuvent te nuire, peuvent ternir ton image. Certaines choses dont tu n'as aucun besoin, aucune utilité, si tu les fais, rubama tu'ab. Fahada, il faut éviter. Alors, ça, c'est un ta'rif tayyib. قال ومن قائل قال المروءة سخاوة النفس وحسن الخلق. Vous avez remarqué que هذا, il complète le premier qu'on a cité. Le premier, s'écarter des mauvais comportements. Et celui qu'on vient de lire, سخاوة النفس وحسن الخلق, les bons comportements. Être généreux, ça fait partie de l'muru'a. Al haqiqa, tous ces points qu'il a cités, il en a cité une dizaine ou une vingtaine plutôt, c'est comme des exemples. C'est comme si il disait min al-muru'a, ça fait partie de l'muru'a, telle chose. Voilà, c'est pour ça au début on a cité un ta'rif 'am. Al-muru'a isti'mal ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu. Al-muru'a c'est faire des choses qui t'embellissent, qui améliorent ton comportement, et délaisser les choses qui vont ternir ton image, qui vont te faire du mal. Hada c'est un ta'rif shamil, walillahi alhamd. Thumma qala, après avoir cité tous ces aqwal, ikhtalafat alfadhuhum fi kayfiyyat almuru'a wa ma'ani ma qalu qarinatun ba'dhuha min ba'd. Ils ont cité ces plusieurs imams plusieurs définitions, plusieurs termes pour définir al-muru'a. Et en fait, comme on dit ici, que ces définitions elles se complètent. Al-muru'a, c'est un mot qui englobe le fait de faire le bien et s'écarter des choses mauvaises. قال والمروءه عندي خصله اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعل واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال. فهذه c'est une khulasa tayyiba. Et ça ressemble au premier ta'rif qu'on a cité. Donc, al-muru'a, c'est fondé sur deux choses. C'est pour ça que ce mot, ma'ana, je ne pourrais pas le traduire. Wa ma'adhun, en français, on pourrait trouver une traduction précise, exacte de ce mot, et qui renferme le même sens et la même force. Ma'adhun. Ma'adhun. Enfin, c'est pour ça qu'on ne le traduit pas. Et نكتفي بهذا التعريف الطيب. دونك المروءة اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعل. المروءة سي ديليسي لي شوز كو الله يديتست وهكذا لي شوز كو لي كرويون يديتست. قال واستعمال ما يحب الله والمسلمون اي فير لي شوز كو الله يلام اي لي كرويون من الخصال. نعم هذا كلام جميل. قال وهاتان الخصلتان يأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم واستعمالهما هو العقل نفسه. نعم c'est ce qu'on a cité في العقل كما قال هنا. نعم واستعمالهما هو العقل نفسه. Au début du livre, تذكرون un des premiers chapitres sur العقل, c'était هذا. Abu Hatim رحمه الله, il avait cité beaucoup d'exemples. من العقل faire telle chose, il avait cité beaucoup de bons comportements qu'on a détaillé ولله الحمد par la suite dans le livre. ثم كذلك il avait cité أن من العقل le fait de délaisser telle et telle chose. C'est exactement la même chose. قال كما قال المصطفى رحمه الله تعالى أي le prophète محمد عليه الصلاة والسلام إن مروءة المرء عقله مروءته عقله أي le hadith qu'on a lu au début du chapitre, il est ضعيف. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه ولا سبيل إلى إقامة مروءته إلا باليسار من المال فمن رزق ذلك فظن بإنفاقه في إقامة مروءته فهو الذي خسر الدنيا والآخرة ولا آمن أن تفجأه قال ولا آمن أن تفجأه المنية فتسلبه عما ملك كريها وتودعه قبره وحيدا ثم يرث المال بعده من يأكله ولا يحمده وينفقه ولا يشكره فأي ندامة تشبه هذه وأي حسرة تزيد عليها. هذا سيأتي إن شاء الله معنا aujourd'hui dans les chapitres suivants sur As-Sakha wa Al-Bukhl, le fait de dépenser et كذلك le contraire de dépenser, l'avarice. Et il a cité le même كلام. قال ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي يا جامع المال في الدنيا لوارثه هل أنت بالمال قبل الموت منتفع قدم لنفسك قبل الموت في مهل فإن حظك بعد الموت منقطع. صحيح أن هذا أي c'est parole qu'il a cité أبو حاتم رحمه الله et que ce poète il a résumé هنا ça fait pas partie de التوفيق le fait de rassembler le mal, jam'u le mal, alors que هذا المال, il y a beaucoup de حقوق sur toi-même, الزكاه pour tes proches, etc. Alors que l'insan il est avare et يجمع هذا المال. ثم ربما للاسف بعضهم يجمعون المال. يجمعون المال. Et même leurs obligations ils les font pas. مثلا sortir la zakat, faire le hajj. C'est deux piliers de l'islam qui sont liés directement à l'argent. C'est pour ça que az-zakat, pour sortir la zakat, bien sûr, il faut avoir de l'argent ou des biens. Et pour le hajj, enfin, parmi les shurut, la capacité. Et min al-istita'a, bien sûr, al-badaniya, est physiquement être capable. Et kadalik al-istita'a al-maliya, financièrement. Donc tu trouves, wa'adallah, c'est délaisse deux piliers de l'islam à cause de al-shuh ou al-bukhl. ويجمعون الأموال ولا تظن ne crois pas أن cet argent ils vont profiter هم لا et ça montre encore plus سخافة هذه العقول et ça montre un problème في المروءة c'est pour ça qu'il l'a cité هنا donc ils n'en profitent pas eux-mêmes ils ne donnent pas le حق aux autres مثلا la zakat ils n'adorent pas Allah عز وجل avec cet argent en faisant le hajj et ils meurent et tu trouves leurs enfants c'est eux qui vont récupérer cet argent cet héritage. Et peut-être qu'ils vont l'utiliser dans le haram. Hada, il va acheter des choses haram, hada, il va voyager dans le haram. Alors que hada l'insan, il ne profitera pas de hada l'ma. Il n'en a pas profité de dunya. Et Rabbama, ça peut être une cause de châtiment yawm al-qiyama. Et la shak annahu, il rendra des comptes. Qaddim li nafsika qabla al-mawti fi mahalin, فإن حظك بعد الموت منقطع. فبروفيت دو سيت ارجون، اوتيليز سيت ارجون في الخير avant que la mort elle arrive, et tu n'en profites pas, ben ça sera des regrets. Voilà, on le répète, ça sera détaillé inshallah ta'ala dans le chapitre à venir. قال حدثني محمد بن علي الخلاد قال حدثنا ابو احمد بن حماد البربري عن سليمان ابن ابي شيخ قال حدثنا محمد بن الحكم عن عوانة قال قال معاوية ابن ابي سفيان آفة المروءة اخوان السوء اي جلساء السوء. Et là, il n'y a aucun doute. C'est comme tout ce qu'on a vu au départ sur, sur les comportements. لِأَنَّ الْإِنسَانَ يَتَأَثَّرْ بِمَنْ يُجَالِسْ وَالصَّاحِبُ سَاحِبُ كَمَا يَقُولُونَ. Et l'être humain, لا يظن أنه il est à l'abri. Quel que soit ton niveau, أخي الكريم, quel que soit tes principes, quelle que soit ta motivation, si tu fréquentes des mauvaises personnes, tu seras touché. Tu seras touché par leur mal, par leur mauvais comportement, et mouro atouk, ton honneur, ton image, elle sera salie. Et le musulman, il doit préserver cette ni'ma, il doit préserver son dîn, et il ne doit pas fréquenter ceux qui peuvent lui faire du mal. Et on a fait le tambih kathiran, on a la fréquentation, ça peut être directement, ou ça peut être kadhalik par l'intermédiaire de ces nouveaux moyens de communication. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه حتى لا يثلم مروءته فإن المحقرات من ضد المروءات تؤدي الكامل إلى الحال بالرجوع في القهقرة إلى مراتب العوام وأوباش الناس. Et ça c'est important. Et ne pas penser. Et ne pas penser que كما يقول البعض أنا لا أبالي. La ubali bi ahad. Pardon, ils ont hada al mabda. Alors ils disent, c'est pas mon problème ce que les autres y pensent. Hada, c'est pas à l'itlaq. Si tu suis la vérité et tu fais des efforts et des personnes mauvaises, ils ont un mauvais soupçon. Hada, tu n'y peux rien. Accroche-toi à la vérité et avance. Lakin, certaines choses qui sont pas essentielles, que tu peux éviter, et Obama, chez certaines personnes dans certains pays, ça fait du mal à le mourou. Ah, tu dois t'écarter. Al-ulama, il cite, مثلاً, من خوارم المروءة, le fait de manger dehors. On ne parle pas de manger dehors dans un restaurant, dans un endroit fait pour cela. Là, on parle de manger dehors comme ils font al-kafara, al-gharb. Ils ont cette habitude, hum. Ils sont dans la rue devant tout le monde, ils marchent et ils mangent et en même temps ils parlent et en même temps. Ça, inda al-muslimin, c'est min khawarim al-muru'a. C'est pour ça que bilad al-muslimin, khasatan dans des endroits qui sont encore préservés, si wahid fi hada, dans la rue, il marche et en même temps il mange. C'est à éviter. Limada liyanna, si tu te retrouves dans ce pays, dans cette ville, les gens ils vont te regarder, Obama, tu vas être critiqué, Obama, encore plus si tu fais ad-da'wa. Et ce point, il est essentiel. Et là, quand tu fais ad-da'wa, quand tu veux propager la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, encore plus quand tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas et les gens ils ne te connaissent pas, fata'alamoun anna al-awam, ils jugent même sur l'apparence. Ils vont pas te demander ton niveau, où est-ce que tu as étudié, à quoi tu appelles. Hum, ils sont pas hawl hada. Oui, ils vont regarder qu'est-ce que tu fais, comment tu parles, comment tu te comportes. Par Obama, une chose que tu fais, eux, ils n'ont pas l'habitude, et ils rejettent ta da'wa. Pour eux, tu n'es pas une personne de confiance. Pour eux, tu n'as pas une bonne éducation. On doit faire attention à ça. Et al-ulama yadhkuruna anna hadha yakhtalif par rapport à al-buldan. C'est pour ça que wa'adu ahl al-ilm, ils ont cité un min khawarim al-muru'a, le fait de ne pas se couvrir la tête pour un homme. On ne parle pas de la femme. La femme, elle doit se couvrir tout le corps, les textes du Coran et de la Sunna, ils sont clairs et c'est une obligation. Là, on parle pour l'homme. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de se couvrir la tête. Et à leur époque et dans leur région, c'était avec l'imam. Et le turban autour de la tête. Et tu trouves Hilal un dans certains pays et ils ont cette habitude de se couvrir la tête. Fa min khawarim al-muru'a 'indahum, c'est de sortir la tête découverte. Na'am. Et بعض العلماء يقولون ان c'est pas min khawarim al-muru'a, lakin 'ala kulli hal, et ça c'est un tanbih muhim, ان السني il s'habitue à se couvrir la tête en prenant pour modèle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Qala rahimahullah tu'zi al-kamil fi al-hal bi ar-ruju' fi al-qahqara ila maratib al-awam wa awbash an-nas. Fa na'am hadha wa naktafi bi hadha par rapport à ce chapitre. C'est un chapitre qu'on a déjà vu au départ, Madmoun al-Bab, et tout ce qui est lié au bon comportement, s'écarter des mauvais. Al-Muslimi doit préserver son honneur et faire des efforts pour être une clé de bien. Wa alhamdulillah. Et on passe au cours suivant et on essaye de lire, Inch'Allah, le chapitre numéro 42. Alhamdulillah.